Nio Mungere. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition mise en onde par Anserme Idambona. Débutons par les grands titres. Au Conseil des ministres tenu sommet crédit recommande la réduction des taxes sur le sucre pour permettre son importation en quantité suffisante. Et certains habitants des provinces du Burundi demandent au gouvernement d'étendre le circuit des importateurs du carburant afin de trouver solution à la pénurie cyclique du carburant. Et à Bururi, une vingtaine de cas d'abandon scolaire liés aux grossesses ont été listés durant les deux derniers mois de ce premier trimestre. La plateforme provinciale pour la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adolescents appelle les parents au dialogue avec leurs enfants. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt dans les titres que le gouvernement du Burundi prévoit une réduction des taxes sur le sucre dans le but d'encourager les importateurs de ce produit. Une mesure prise en conseil extraordinaire des ministres tenu mercredi. Dans un extrait du compte rendu de ce conseil lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Jérôme Niyonzima, une taxe sera également appliquée à des importations tout en séparant les produits ordinaires des produits dits de luxe. Suivez plutôt Jérôme Niyonzima, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Pour l'importation, différencier les produits ordinaires des produits de luxe tels que les vins, champagne, liqueurs, l'eau minérale importée, les véhicules de luxe, etc., en vue d'appliquer une taxe considérable à ces produits de luxe. Réduire sensiblement la taxe appliquée au sucre importé afin d'encourager les importateurs de ce produit. Doubler la taxe appliquée aux véhicules de luxe en cas de deuxième importation. Reprendre dans la loi budgétaire les sanctions prévues par la loi fiscale pour les conseillers fiscaux complices dans la fraude fiscale. Lutter contre la fuite des capitaux. Revoir le code des marchés publics pour y introduire une clause exigeant aux soumissionnaires de montrer les projets qu'ils vont réaliser par l'argent gagné. Continuer à réfléchir sur de nouvelles stratégies pour augmenter les recettes. Diversifier les exportations et suivre de près leur circuit pour que le pays profite des devises qui en sont issues. Accélérer le programme de digitalisation pour connaître et contrôler le patrimoine de l'État. Les ministres doivent garantir la bonne gouvernance dans leur structure sous leurs responsabilités. C'était Jérôme Niyonzima, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Et le gouvernement du Burundi envisage de conclure un partenariat entre la société sucrière du Mosso, dit Sosumo, et une usine ougandaise dénommée Sarai Group pour étendre et augmenter la production du sucre au Burundi. S'adressant au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage le 27 novembre cette année, le chef de cabinet civil à la présidence du Burundi demande à la Sosumo d'accélérer le processus de ce partenariat pour augmenter la production du sucre au Burundi. Alors que la mise en application de ce partenariat est attendue avec le mois de janvier 2024, précise toujours cette correspondance, le chef de cabinet civil à la présidence trouve que l'une des voies d'augmentation de la production du sucre est d'avoir deux usines parallèles qui partagent les mêmes plantations de canne à sucre au Burundi. Certains habitants de différentes provinces du Burundi demandent au gouvernement d'étendre le circuit des importateurs du carburant en autorisant d'autres hommes d'affaires, propriétaires des stations-service, afin de trouver solution à la pénurie cyclique du carburant. Ceux qui ont participé dans l'émission interactive Guiri Tshushikirije, qui passe tous les vendredis à la radio Isanganiro, demandent également aux instances habilitées de sortir du silence pour communiquer sur les causes de cette pénurie qui est à l'origine de la hausse du ticket de transport à l'intérieur du pays. Suivez ces habitants qui ont participé à l'émission interactive de Guiri Tshushikirije. Le ticket de transport ne cesse de monter. Les autorités habilitées devraient agir pour faire face à ces difficultés liées au déplacement. Le ticket de transport de Rugombo à Bujumbura est à 12 000 francs burundais. De Buganda à Rugombo, le ticket était à 2 000 francs. Aujourd'hui, c'est 4 000. Le gouvernement devrait autoriser les hommes d'affaires, propriétaires de stations, d'importer le carburant dans le but de trouver solution à cette pénurie qui devient casse-tête. Les ministres en charge du commerce et celui du carburant ont pris la décision de suspendre la commercialisation du carburant dans les bouteilles en plastique pour lutter contre la fraude. Mais vous voyez que cela n'apporte aucune solution. Pour moi, je dirais que les importateurs ont échoué. Je demanderai aux instances habilitées de donner la permission aux hommes d'affaires d'aller importer elles-mêmes le carburant et je pense que cela pourra contribuer à trouver solution à ce problème de manque de carburant. Pour le moment, nous éprouvons des difficultés liées au manque de déplacement du fait que nos véhicules se trouvent aux stations-service en attente du carburant. Sans carburant, toutes les activités du pays sont presque paralysées. Je demanderai au gouvernement de tout faire pour résoudre son problème. Il fallait même revoir à la hausse le prix de son produit, à condition que le carburant soit disponible dans toutes les stations. C'est difficile de se déplacer surtout à l'intérieur du pays, suite au prix de transport qui sont exorbitants. Imaginez pour le moment le trajet Bujumbura-Lumongue, les transporteurs sont obligés de payer 25 000 francs Les autorités habilitées devraient nous annoncer où réside le problème. Le mieux serait de nous annoncer si cela est lié au problème de devise ou s'il s'agit des difficultés liées au transport. Les conséquences sont multiples parce que des gens feront tout le possible pour s'approvisionner du carburant, par exemple au Congo, et arrivé au pays, il fixe un prix exorbitant. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, la Banque africaine de développement BAD, en sigle, a récemment accordé un financement conjoint pour le Burundi et la Tanzanie d'une valeur de plus de 690 millions de dollars. C'est dans le but de la construction de la phase 2 du chemin de fer Tanzanie-Burundi RDC sur plus de 650 kilomètres. La construction de ce chemin de fer a été en outre à la table du Conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi de cette semaine. Plus de détails avec Mireille Kanyang. Ce financement du groupe de la Banque africaine de développement approuvé vendredi 8 décembre à Abuja est pour le Burundi de plus de 98 millions de dollars sous forme de dons et plus de 590 millions de dollars pour la Tanzanie sous forme de prêts. Le conseil d'administration de ce groupe de la BAD fait savoir que c'est pour démarrer la phase 2 du projet conjoint du chemin de fer à écartement standard Tanzanie-Burundi et RDC. Le coût total du projet en Tanzanie et au Burundi est de près de 3 milliards de dollars. Les travaux pour la construction de la ligne ferroviaire Burundi-Tanzanie, long de 651 km, seront subdivisés, précise la BAD, en trois lots. Il s'agit des tronçons Tabora-Kigoma pour 411 km, Uvinza-Malagarazi de 156 km, les deux tronçons se trouvant en Tanzanie, et le tronçon Malagarazi-Musongati de 84 km au Burundi. Avec cette ligne ferroviaire, le corridor de transport central sera exploité, permettant ainsi d'abandonner le transport routier par camion, origine des accidents et coûts élevés d'entretien des routes. Du côté burundais, le ministre du Commerce a fait savoir au mois de janvier de l'année dernière que l'indemnisation pour la population expropriée dans les provinces Rutana, Makamba et Gitega est estimée à plus de 757 dollars américains. Le Conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi de cette semaine s'est accordé de prévoir un budget de démarrage de ce chemin de fer. Mireille Kanyangé. 23 cas d'abandon scolaire liés aux grossesses non désirées ont été enregistrés dans la province scolaire de Bururi au cours des deux derniers mois de ce trimestre scolaire. C'est au moment où l'année passée, 72 jeunes filles avaient abandonné l'école suite à ces grossesses précoces. Les membres de la plateforme provinciale qui a été mise en place par le projet Sharp œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les adolescents à Bururi appellent les parents à initier le dialogue avec leurs enfants de Bururi. Zenon Zambimana, correspondance. Selon les données en provenance de la direction provinciale de l'enseignement à Bururi, 23 filles ont déjà abandonné l'école suite aux grossesses précoces au cours des mois de septembre et octobre de ce premier trimestre de cette année scolaire. Les mêmes sources disent que 72 cas d'abandon scolaire liés aux grossesses, dont 31 du fondamental et 41 du post-fondamental, avaient été enregistrés l'année scolaire écoulée dans cette province. Les communes de Matana et Janda viennent en premier lieu avec chacune 18 cas d'abandon scolaire suite aux grossesses précoces, et parmi les auteurs de ces grossesses figurent leurs camarades et les motards. Antoine Sabiyumba, directeur professeur de l'enseignement à Bururi, dit que les enquêtes menées ont montré que la majorité de ces enfants victimes de ces grossesses précoces sont des élèves externes et sont engrossés généralement pendant les vacances. Il appelle les parents à doubler d'efforts pour dialoguer avec leurs enfants sur la santé sexuelle et reproductive pour que cela ne soit plus tabou. Un appel lancé également par les membres de la plateforme provinciale mise en place par le projet Sharp œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adolescents, un projet financé par l'Union européenne, exécuté dans la province de Bururi par l'Alliance burundaise contre le sida et pour la promotion de la santé à baie sans sigle. Ils appellent également les jeunes à consulter les centres de santé amis des jeunes et les décideurs sont appelés à équiper ces centres de santé amis des jeunes pour que ces jeunes aient accès aux services et aux produits de la santé sexuelle et reproductive. Au cours d'une réunion organisée mercredi dernier à Bururi par le projet Sharp, Dr Terence Kennedy Ngendakuriyo, coordinateur national de ce projet, a invité les participants à continuer les sensibilisations et à plaider en faveur de ces jeunes pour éradiquer ces grossesses en milieu scolaire. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Danilo. Pour clore cette édition, le responsable des tambourinaires de Guichora, commune Guéta de la province Gitega, demande que soit mise en place une loi régissant les tambours au Burundi pour prévenir la dégradation des fondamentaux de ces derniers. Il fait allusion aux actes du passé récent de battement des tambours lors des cérémonies nuptiales et de battement de ces tambours par les femmes, ce qu'il qualifie d'inadmissible. Le point avec Gérard Nibigila depuis Giteka. Le chef de tambourinaire de Guichora, Oscar Nshimirimana, demande la mise en place d'une loi régissant les tambours burundais pour éviter qu'il y ait dégradation et disparition des fondamentaux des tambours burundais et celle des interdits irrelatifs. Entre autres interdits qui avaient été piétinés durant ces dernières années, il évoque le battement des tambours lors des cérémonies nuptiales. Il explique cet interdit en parlant d'une chanson traditionnelle qui est reprise lors des cérémonies de mariage et qui fait intervenir un tambour et un lit du roi burundais, le tambour étant la jeune mariée. Pour lui donc, deux tambours, un national et un autre de lit, ne peuvent pas être battus en même temps. Il insiste à montrer que même le roi burundais n'avait pas de privilège de battement des tambours lors de ses relations sexuelles, car c'était interdit. Il fait alors savoir que les tambours sont autorisés à être battus à toutes les fêtes, tant nationales que privées, mais sont interdits aux seules fêtes de mariage. Quant à l'interdiction des femmes et filles de battre les tambours, il expliquait que Fé Antime Baranchakage, icône des tambours du Burundi, a fourni des éclaircissements suffisants en révélant que les parties du tambour ont les mêmes noms que les parties intimes d'une femme, la baguette servant à battre le tambour étant assimilée à la partie génitale masculine. Donc, il est strictement interdit aux femmes de battre les tambours. Néanmoins, Oscar Nshimirimana se réjouit du fait qu'actuellement, il n'observe aucun cas de battement de tambour lors des fêtes nuptiales et que même les femmes ne battent plus les tambours. Ainsi, il exhorte tous les tambourinaires du pays à continuer à respecter tous les interdits et tous les principes et fondamentaux des tambours burundais en attendant qu'une loi irrelative soit mise en place. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Ainsi se referme cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle qu'à partir du mois de janvier 2024, Le gouvernement burundais, via la société sucrière Dimoso, prévoit un partenariat avec une société ougandaise de Sarai Group en vue d'augmenter la production du sucre au Burundi. Entre-temps, le Conseil des ministres tenu mercredi a recommandé la réduction des taxes sur le sucre pour permettre son importation en quantité suffisante. À Bururi, une vingtaine de cas d'abandon scolaire liés aux grossesses ont été listés durant les deux derniers mois de ce premier trimestre. La plateforme provinciale pour la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les adolescents appelle les parents au dialogue avec leurs enfants. Vous venez de l'entendre que certains habitants des provinces du Burundi demandent au gouvernement d'étendre le circuit des importateurs du carburant par autorisation de tous les propriétaires des stations-service afin de trouver solution à la pénurie cyclique du carburant. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Placide Niyomungere. Au revoir. Yeah.